Il faudrait que je sorte de table, je me sens pas bien, je les supporte plus. Il faudrait que je boive beaucoup pour être aimable, sinon j'en chope un et je le tue. Je croise les doigts, je serre les dents, je me dis que tout ça va s'arranger. Je me dis que demain sera différent, je rentre chez moi et je m'assomme sur mon oreiller. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi je continue à faire pareil? Parce que le changement me terrifie. Alors je refais ce que je faisais la veille, tout en rêvant d'une autre vie. Un peu de paresse intellectuelle, j'y vois pas clair en vérité. Bon sang, je fais ça depuis la maternelle. Je rentre chez moi et je m'assomme devant la télé. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faudrait que je casse le moule, que j'apprenne à marcher sur la tête. Si tu savais comment ça me saoule d'être aussi con, d'être aussi bête. Alors je me sens comme un funambule qui aurait peur de l'altitude. T'as vu comme j'ai l'air ridicule, habillé de mes certitudes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oh, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Sorte de table, je me sens pas bien, je les supporte plus. Il faudrait que je boive beaucoup pour être aimable, sinon j'en chope un et je le tue. Je croise les doigts, je serre les dents, je me dis que tout ça va s'arranger. Je me dis que demain sera différent, je rentre chez moi et je m'assomme sur mon oreiller. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets.